sapristi debout, dansons sapristi debout, sans hésiter le mambo des temps enchantés. Un peu de musette sous des ballons, des serpentins qu'on gonfle ou qu'on jette pour s'amuser jusqu'au petit matin. Debout, les grands, les petits, debout, allez c'est parti, debout. Avec frénésie, debout, secouez sans répit, debout. Oh yé yé yé, vos doigts de main, vos doigts de pied. Ça fait du bien de se trémousser debout. Vous les gens d'ici debout, ceux d'ailleurs aussi debout. Le monde entier, pourquoi faire les choses à moitié? Quel joli manège, quel beau sortilège. Là. Mes amis, quelle belle soirée que cette soirée. Délicieuse soirée, en effet. La perlipopette, as-tu offert des cookies à notre invité? N'a plus. N'a plus? Juste quelques miettes. Mais je t'avais dit... Hé, Simone la Lune, tu veux des croûtes à la place? La perlipopette, tu vas tout faire rater. Pardonnez-moi, mes amis, je dois reprendre ma course dans le ciel. Grand merci pour votre accueil, il est temps pour moi de m'éclipser à présent. Mais je reviendrai. Salut, Simone. À la revoyure. Oh, j'oubliais. Un cadeau pour vous. Pour moi? Tends les pattes. Qui ça? Tends les pattes, mon lapin. Oh. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une croûte de lune. Un reflet. Vas-y, mon lapin. Dans un lampion. Non, ça perd l'hypopète. J'ai peur. Mais c'était ton rêve. Regardez. Oh. De la lumière.